FrenchPod.com. Mesdames et messieurs, et maintenant, voici venu le moment que vous attendez tous, le magicien. J'ai besoin d'un ou d'une volontaire dans le public. Oui, mademoiselle, vous, au troisième rang. Ne vous inquiétez pas, je vais seulement vous faire disparaître. Vraiment, ne soyez pas nerveuse, ça ne marche jamais. 1, 2, 3. Mais j'ai réussi. Elle a réellement disparu.